Alphonse Huitariro. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. C'est ce vendredi 6 avril que les Burundais vont commémorer le 24e anniversaire de l'assassinat de feu président Cyprien Ntaryamira. Le ministère burundais de l'Intérieur rappelle que ce n'est pas le moment de propagande pour les partis politiques. Certains des électeurs ne se retrouvaient pas sur la liste, les listes provisoires qui sont affichées sur différents centres d'inscription. Et dans l'entretemps, il y en a qui ne savent pas que cette étape prend fin demain, vendredi. Le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines explique la pénurie de carburant à mairie de Bujumbura par la fête de Pâques qui, selon lui, a perturbé le transit, surtout au niveau de la Tanzanie. Vous l'entendrez. Dans cette édition, on vous parlera également de trois enfants morts électrocutés hier mercredi en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. L'organisation FENADEB estime que la régie des eaux a une part de responsabilité dans cet incident. Et puis, le gouverneur de Bururi au sud du pays interdit le sport en masse, les sportifs munis de gourdins. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Commémoration ce vendredi 6 avril du 24e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique, les cérémonies se dérouleront sur la capitale Bujumbura et à l'intérieur du pays. L'assistant du ministre rappelle que ce n'est pas l'occasion de propagande pour les partis politiques. Suivez Terence Ndahiraja, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ce vendredi 6 avril 2018, au chef-lieu de télécommunes du pays, le peuple burundais commémore le 24e anniversaire de l'assassinat de son Excellence Cyprien Ntaryamira, ancien président de la République du Burundi. Tout Burundais est invité à œuvrer pour l'unité, la paix, la sécurité, le travail et la démocratie, source de développement durable en mairie de Bujumbura. Les cérémonies débuteront par une messe à la cathédrale Regina Mundi à partir de 9h du matin, suivie par le dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe du président Cyprien Ntaryamira à partir de 11h du matin et enfin le discours du président Cyprien Ntaryamira. À l'intérieur du pays et au chef-lieu de télécommunes du pays, les cérémonies débuteront par une messe suivie par le dépôt des gerbes de fleurs, monument de l'indépendance et ou de l'unité nationale. Les gouverneurs de province, le maire de la ville de Bujumbura et les administrateurs communaux sont invités à mobiliser toute la population pour une bonne participation à cette commémoration. Étant donné l'ampleur de la journée, il nous plaît de rappeler que ce n'est pas l'occasion de la propagande des partis politiques avec les signes distinctifs, mais plutôt les partis politiques sont invités à déposer des gerbes de fleurs au lieu prévu. Pour terminer, signalons que pour la journée de demain, les drapeaux nationaux seront hissés en Berne. Certains des électeurs qui se rendent au centre d'inscription pour vérification de leurs inscriptions sur les listes provisoires des électeurs disent avoir des difficultés à se retrouver. Parmi eux, certains ne savent pas que ce travail prend fin ce vendredi 6 avril. Sur un des trois centres d'affichage de la zone urbaine de Kanyosha au sud de Bujumbura, 37 cas d'irrégularité ont déjà été relevés. Mireille Kanyang. Nous avons en premier lieu visité un établissement scolaire d'Ikwapatiri en zone urbaine de Kanyosha, là où nous avons trouvé un agent d'affichage. C'était vers 10h, une personne est venue vérifier si elle a été inscrite correctement. Il lui a été demandé si ses lire, son lieu d'inscription, sa carte d'identité ainsi que son récépissé. 15 minutes après, nous avons été à l'école Fine School. Là se trouvait également un agent d'affichage, mais sans affluence de personnes électrices. Notre troisième escale, c'est au lycée municipal d'Okanyosha, Lemeka. Certains ont précisé qu'il leur est difficile de se retrouver sur les listes. D'autres estiment qu'il aurait été facile de se retrouver une fois si les listes affichées étaient par ordre alphabétique. Après avoir échangé avec quelques-uns, il s'est révélé qu'il y en a qui ne savent pas à quand se clôture ce travail. D'autres encore voudraient que les agents d'affichage soient plus nombreux. À ce lycée municipal de Kanyosha, l'agent d'affichage nous a signifié que 37 cas d'irrégularité ont été observés. Soit les noms ont été mal transcrits, soit un chiffre de la carte d'identité d'identité a été oublié. Les électeurs à ce centre d'inscription viennent à compte-gouttes, a-t-il poursuivi. Et les citadins sont appelés ainsi à consulter les listes provisoires à un rythme accéléré. Le clin d'œil est du président de la Commission électorale nationale indépendante, à mairie de Bujumbura, Terence Manila, qui précise que si ce n'est pas le cas, les électeurs courent le risque de ne pas voir la carte d'électeur. Nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement du travail d'affichage des listes provisoires des électeurs, mais nous saisissons aussi cette occasion pour lancer un appel à la population électrice de la mairie de Bujumbura pour qu'ils puissent venir vérifier sur nos figures sur les listes. Parce que si une fois ils ne viennent pas consulter les listes, ils peuvent courir à des risques de ne pas se retrouver sur les listes et par conséquent, ils n'auront pas accès au vote du fait qu'ils n'auront pas les cartes d'électeurs. Jusque aujourd'hui, avez-vous remarqué certaines irrégularités depuis mardi? Oui, il y a quelques anomalies, mais ce n'est pas trop alarmant. Mais ça pourrait se remarquer très bien si toute la population qui s'est fait enregistrer pourrait venir consulter les listes. Le travail a commencé le 3 avril et ça va se clôturer le 6, c'est-à-dire demain vendredi à 17h30. Je vous le disais tantôt, trois enfants ont été tués, électrocutés ce mercredi en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. L'information est de l'un des parents des deux, et du parent de deux de ses enfants. Il indique que ses enfants ont touché le câble d'ancrage et des poteaux électriques et par après, ils ont été électrocutés. Certains habitants de ces lieux demandent que la régie des eaux aménage en règle là où passent ces fils électriques. Reportage d'Ali Danaikeza. Ibi bintu bimaze igihe urabona ko ibisinga byamanuse none raba bigiye gutera isanganya abana batatu bafuye. C'est une des femmes rencontrées à la 8e avenue de la zone Kanyosha où sont tombés trois enfants mineurs qui auraient été électrocutés selon les informations recueillies sur place. Un parent de deux de ces enfants, même s'il n'a pas voulu s'exprimer sous notre micro, il nous a indiqué que le premier enfant aurait touché le câble d'ancrage qui avait du courant électrique et les deux autres ont été victimes de ce courant en tentant de sauver le premier. À notre arrivée sur les lieux où ces enfants ont trouvé la mort, ce câble n'était plus rattaché au poteau électrique. Une des femmes qui était sur les lieux nous a informé que cela fait un bon bout de temps que ces câbles restent en contact avec les passants. Le constat est que la faute est à la régie des eaux. Ça fait longtemps qu'on voit ce phénomène de câbles pendants. Ils sont déjà par terre et voilà que ce sont eux qui sont la cause de l'accident de ces trois enfants. C'est grave. Il faut l'intervention de l'État et même de la régie des eaux pour changer ces poteaux qui sont déjà usés. Imaginez, les deux enfants d'une même famille qui sont morts. C'est très désolant. Il faut que la régie des eaux fasse le tour des quartiers pour renouveler ceux qui sont en mauvais état. Un de ses enfants a été inhumé ce jeudi. Il était en 9e fondamental. Les deux autres qui étaient des frères, l'un était âgé de 15 ans, l'autre 13. Le chef du département électricité au sein de la régie des eaux nous a indiqué qu'il va s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Et en attendant, la FENADEB, Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, déplore la mort des trois enfants qui ont été électrocutés ce mercredi dans la zone urbaine de Kanyosha au sud de Bujumbura. Dans un communiqué sorti ce jeudi, cette organisation estimait que de tels accidents pouvaient être évités si la régie des eaux s'était attelée à contrôler ses équipements. Tout ce qui est de recommande cette association, c'est qu'au moins la régie des eaux appuie dans les funérailles de ses enfants. Dans le même communiqué, le président de la FENADEB déplore que ce ne soit pas la première fois que de pareils cas surviennent à cause des fils de la régie des eaux laissés dénudés dans les lieux fréquentés. Isanganiro, la radio de l'avenir. La pénurie du carburant de type essence qui s'observe sur certaines stations dans la mairie de Bujumbura pourra prendre fin à la fin de cette semaine. C'est ce que dit Leonidas Sindaigaya, le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines. Il précise que cette pénurie est liée à la fête de Pâques qui a perturbé le transit du carburant, surtout au niveau de la Tanzanie. Il ajoute que le ministère envisage réhabiliter les entrepôts des stocks de réserve comme solution durable à cette question. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Gertrude Mawenayo. À proprement parler, il n'y a pas de pénurie en quelque sorte. Il y a une perturbation parce que le carburant de type essence est là. Certaines stations en ont, certaines n'en ont pas. La cause en est que, effectivement, avec les festivités de Pâques sur le sol tanzanien, le sol sur lequel transite le carburant, a fait que le chargement soit perturbé aussi la fourniture de ce produit sur le sol burundais. D'autant plus que nous nécessitons autour de quelques 400-500 000 litres par jour. Donc s'il y a un ou deux, trois jours sans ce produit, sans ce chargement, vous comprenez que ça répercute la fourniture dans les stations-service au niveau national. C'est une perturbation qui ne va pas durer. Nous espérons qu'avec la fin de la semaine, la situation se sera renormalisée. Souvent, on observe des cas pareils. Est-ce qu'au niveau du ministère, il n'y a pas d'autres solutions que vous pouvez envisager? La solution durable, c'est de pouvoir réhabiliter les entrepôts de stock, l'entrepôt de Gitega particulièrement. Même celui du CEP va être réhabilité car lui aussi se détériore de plus en plus, mais également avec le partenaire privé, un autre entrepôt va être disponible tout peu. C'est vraiment la solution durable qui permettra que l'une ou l'autre perturbation d'une journée, de deux, de trois jours, ne perturberait pas la fourniture de ce produit au niveau national. En page santé, 400 Burundais lépreux ont été mis sous traitement au cours de l'année 2017 et plus de 7000 tuberculeux ont également été traités selon le porte-parole du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Tadde Ndikumana l'a déclaré ce jeudi lors de la célébration de la journée mondiale dédiée à l'éradication de ces maladies. Il tranquillise les patients comme quoi le ministère de la Santé publique s'est donné l'objectif de mener des séances de sensibilisation afin de traiter les malades déjà contaminés. Écoutez Dr Tadde Ndikumana, le porte-parole du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a célébré et s'est joint avec le monde entier pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui normalement se célèbre le 24 mars de chaque année. Mais aussi nous avons voulu célébrer ensemble la journée mondiale de lutte contre la lèpre parce que comme vous le savez, cette journée dédiée aux lépreux au niveau mondial, c'est le dernier dimanche du mois de janvier de chaque année. Mais au niveau du ministère, il y a un programme national de lutte contre les deux pathologies et nous avons voulu célébrer ensemble les deux journées. Comme vous le savez, au Burundi, la lèpre est une réalité, mais je tranquillise la population parce que nous sommes en phase d'élimination de la maladie. L'OMS recommande que chaque pays puisse travailler pour qu'on ne puisse pas avoir plus de 1 sur 10 000 cas de lèpre. Au Burundi, cette année, nous avons eu 400 malades. Nous avons des quartiers pauvres où on trouve des malades de lèpre qui sont venus de la RDC ou de la Tanzanie. Et par rapport à la lutte contre la tuberculose reste un problème majeur de santé publique. Ici au Burundi, nous avons pu depuis et traiter gratuitement 862 cas de tuberculose. Ici, j'ai interpellé la population qu'elle puisse consulter à temps une fois observé les signes de deux pathologies. Par rapport à la tuberculose, c'est la toux, c'est l'anorexie, c'est l'asthénie, l'amaigrissement, mais aussi les suies profus pendant la nuit. Et par rapport à la lèpre, ce sont des signes cutanés, notamment une tache indolore et insensible. Une femme de la colline Mulengeza en commune Manda de la province Bubanza a été grièvement blessée par un hippopotame qui vit dans un fossé rempli d'eau à cette colline. Selon des témoins sur place, l'animal a capturé la victime et l'a mâché avant de la rejeter. Au niveau de l'administration et de la police, on explique avoir demandé à maintes reprises aux chargés de l'environnement de récupérer et retourner l'hippopotame dans la Rusizi, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Le sport en masse sur la voie publique et avec des gourdins est désormais interdit dans toute la province de Bururi, cela avant 6h du matin et au-delà de 18h. Le gouverneur de Bururi, qui a pris cette mesure, explique que c'est pour l'intérêt général de la population. Jean-Pierre Misago. Dans une correspondance adressée à tous les administrateurs des communes que compte la province de Bururi, ce 2 avril courant, honorable Christian Grunziza, gouverneur de la province de Bururi, leur demande d'interdire dès réception de cette correspondance et à quiconque que ce soit de faire le sport de masse sur les voies publiques après 18h du soir. Le gouverneur de Bururi fait savoir qu'il se remarque dans ces derniers jours, dans certaines communes, des gens qui font du sport de masse sur des voies publiques pendant la nuit avec des gourdins et qui font des tapages nocturnes avec des sifflets. Désormais, précise honorable Christian Nkurunziza, le sport de masse sur les voies publiques se fait à partir de 6h du matin jusqu'à 18h du soir et sans gourdin, car selon lui, il ne s'agit pas d'une quelconque chasse. Et celui ou celle qui violera cette mesure se verra infliger des sanctions très sévères dans le but de bien assurer la sécurité pour tous et se préparer aux prochaines échéances électorales au Burundi dans le calme. Le gouverneur de Bururi termine cette correspondance en ordonnant à ceux qui assurent la sécurité pendant la nuit de veiller à ce que cette mesure soit respectée par tous et pour tous dans l'intérêt général de la population de cette province. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Des constructions en grande partie composées de chopes sont érigées de part et d'autre de la route nationale numéro 9 qui passe par Mutakura et Chibitoke en mairie de Bujumbura. La plupart au-delà des limites de leur propriété et par endroits au-dessus de la canalisation des eaux. Certains propriétaires indiquent qu'ils sont prêts à l'exécution de l'ordre de détruire et pour faciliter les travaux de réhabilitation de cette route. Ils demandent toutefois que ce travail soit fait dans le respect des limites de leur propriété. Charles Makoto. Ces constructions sont pour la plupart des échoppes, dont les salons de coiffure, les restaurants, les bistrots, voire même des maisons d'habitation. Cette dame est la propriétaire de la parcelle située au numéro D de la première avenue à Chibitoke, dont les constructions vont jusqu'au pied de la canalisation de la RNNF. Elle indique n'avoir aucun souci par rapport à la destruction de ces échoppes érigées dans le domaine public, comme elle l'affirme elle-même. Elle souligne toutefois que si les signalisations marquées sur les murs de sa parcelle sont suivies, les dimensions de sa parcelle seront réduites. Et dans ce cas, elle appelle le gouvernement à lui rétablir dans ses droits. Il s'agit du développement et ça nous enchante. Nous demandons cependant le respect des bornes qui délimitent nos propriétés. Quant à la partie constituée des échoppes, elle sera détruite à tout moment qu'on nous le demandera. De son côté, cet homme est propriétaire de la parcelle située au numéro 1 de la même avenue. Il reconnaît être au courant des travaux de réhabilitation de cette route. Un projet louable à ses yeux, dont on ne peut que se féliciter. Il appelle néanmoins au respect des titres de propriété. Il se dit prêt à détruire la partie située au-delà de la limite de sa propriété, composée de différents échoppes. Pour lui, ces travaux viendront réduire les accidents monnaie courants sur cette partie urbaine de la RNNF. Si nous nous rendons compte que nous sommes allés au-delà de nos parcelles, nous n'aurons pas d'autres revendications car nous serons coupables d'avoir construit en violation de la loi. Si nous trouvons que nous sommes dans nos droits, nous demanderons des indemnisations. Nous sommes prêts même si les travaux commencent demain. Cela pourrait réduire les accidents sur cette route de Mutakura qui est en mauvais état, ce qui cause beaucoup d'accidents. De son côté, cet homme de Mutakura, dont la parcelle battue en dur est située en dessous des câbles de la régie des eaux, dit que ses échoppes constituaient son unique source de revenus et déplore sans s'opposer à ce projet, que ce projet risque de jeter certains ménages dans la rue. La vie sera désorientée car c'est l'unique source de quoi faire vivre la famille. Vous comprenez que les activités seront suspendues, mais nous n'avons pas de choix car c'est un projet d'intérêt public. Nous demandons que ce pouvoir tienne compte de notre situation. C'est au moment où la direction générale de route a appelé la population dont certains bâtiments sur la RNNF sont construits hors normes et ceux qui ont reçu des indemnisations à détruire eux-mêmes les constructions, annonça que les travaux de réhabilitation de cette route en autoroute parallèle sont proches. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Adogo pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.